La prise de contact avec l'esprit. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Lorsque l'esprit juge que l'humain est prêt à ce qu'il lui soit dévoilé son existence, il prend contact avec lui plutôt que l'inverse. Quand l'esprit estime que sa contrepartie terrestre a une structure énergétique suffisamment développée pour assumer sa présence sans sombrer dans la folie, il se manifeste à elle. De par son intelligence plus grande que celle de l'ego, l'esprit va déterminer le moment que cela va se produire. L'intelligence de l'esprit est le fruit d'un savoir de nature cosmique et vibratoire, alors que l'intelligence issue de l'ego repose sur la construction identitaire d'un être en évolution, influencé par des contraintes planétaires limitatives. Comme l'ego ne peut pas décider lorsque la prise de contact avec l'esprit va se produire, eh bien, il ne peut pas l'initier. Même si l'individu tente par différents moyens de vivre ce contact sans que l'esprit l'ait décidé, eh bien, cela sera inutile. Même s'il fait des prières, des jeûnes, des récitations de mantras ou de la méditation pour altérer sa conscience dans le but d'établir ce contact, tout cela serait en vain. Le fait que c'est l'esprit qui entame ce type de contact sert à protéger l'ego contre l'immaturité qu'il pourrait présenter. Cette dernière pourrait l'amener à désirer des choses qu'il ne serait pas en mesure d'assumer pleinement par la suite. Par exemple, si un individu mature dans son développement d'âme pouvait entrer en contact avec la conscience de son esprit, alors qu'il n'est pas prêt à vivre ce contact, il pourrait sombrer dans la folie et ne plus être capable de fonctionner en société ensuite. Ainsi, il pourrait perdre la garde de ses enfants, son travail et connaître une rupture amoureuse à cause de la trop grande fascination qu'il pourrait avoir à l'égard de son esprit qui l'amènerait à se détourner des gens. Ce dernier pourrait l'amener à négliger sa vie et celle de ses proches sur le plan matériel. Dans certains cas, il vaut mieux que l'individu soit inconscient de cette réalité, mais qu'il soit en mesure de fonctionner en société sur le plan physique. La prise de contact prématurée avec l'esprit s'avère plus nuisible qu'utile au regard de l'évolution globale d'un individu. Cette dernière doit lui permettre de fonctionner d'une manière cohérente sur le plan physique et psychique. Lorsque l'individu essaie de prendre contact avec son esprit, alors qu'il n'est pas le temps pour lui de le vivre, il risque d'entrer en relation avec des entités astrales qui peuvent le manipuler et l'amener à sombrer dans un état de déchéance. Par exemple, il y a des gens qui prennent de la drogue pour altérer leur conscience et ouvrir leur centre de perception psychique. Cela est dangereux, car ces substances peuvent les mettre en contact avec des entités astrales dont ils vont se mettre à entendre les voix et avoir leurs visions. Si ces individus ne sont pas conscients de l'impact réel que va avoir sur eux la drogue et qu'ils ne sont pas prêts à assumer ces communications internes, eh bien, il risque de sombrer dans la déchéance en étant influencé par des entités dont ils vont se mettre à entendre leur voix. Depuis plusieurs décennies, la psychiatrie en Occident va associer le fait d'entendre des voix systématiquement à un symptôme de la schizophrénie étant un type de problème de santé mentale. Comme la plupart des gens géraient mal cette communication interne, qui s'effectuait avec des entités des plans astraux immatures, eh bien, cette dernière amenait des comportements dysfonctionnels chez la plupart de ces personnes, ce qui justifiait la pertinence de faire une telle association. Par contre, comme à l'époque actuelle, il y a de plus en plus de gens qui vivent la prise de contact avec des entités du plan mental où réside leur esprit propre et mature avec discernement, eh bien, ils sont davantage en mesure de gérer cette communication intérieure efficacement. Donc, nous ne pouvons plus considérer les gens qui entendent des voix comme étant nécessairement des victimes d'un problème de santé mentale, car il y en a qui sont fonctionnels en société. Ainsi, la distinction entre une personne qui entend des voix, qui a un problème de santé mentale, et une autre qui est saine, tout en les entendant, est liée à la capacité d'être libre des manipulations que peuvent tenter les entités qui les génèrent. Donc, le problème de santé mentale qui rend dysfonctionnel n'est pas en soi d'entendre des voix, mais c'est plutôt le fait de se laisser manipuler par elles en n'évaluant pas de manière critique les idées qu'elles acheminent. Cela est une nuance importante qui doit être faite. En général, les gens qui n'ont pas à connaître la prise de contact avec leur esprit ne s'y intéresseront pas, car ils ne recevront pas de pensées provenant de lui pour les amener à s'intéresser à ce type de sujet. Comme la pensée ne provient pas de l'individu, eh bien, ce sont les pensées que l'humain reçoit dans sa conscience qui vont déterminer ses champs d'intérêt. Par contre, dans certains cas, il va y avoir des entités astrales qui vont implanter dans le mental de l'humain des pensées pour qu'elles soient intéressées à prendre contact avec elles. Ces dernières peuvent se présenter à lui comme étant des anges gardiens, des maîtres ascensionnés, des extraterrestres ou comme tout autre personnage susceptible de l'impressionner en vue qu'il lui accorde de l'importance. En général, la prise de contact avec l'esprit va faire suite à un choc qui va amener l'ego à s'intérioriser. Son esprit va changer son état mental pour l'amener à le percevoir pour la première fois. Par exemple, cela peut être suite à la perte d'un être cher, un épuisement professionnel, un divorce, etc. Donc, lorsque l'individu est confronté à un événement qu'il n'a pas choisi, eh bien, il est susceptible de se mettre à souffrir et à se poser des questions de nature existentielle, s'arrêter et commencer à être à l'écoute de son intériorité. C'est dans ce contexte qu'il pourrait accorder de son attention à la communication interne que lui achemine son esprit. Il est important de réaliser que l'esprit pourrait volontairement amener l'individu à être confronté à un événement difficile dans sa vie pour l'amener à s'intérioriser parce que sinon, il ne le ferait pas spontanément par lui-même. Lorsque les choses vont bien dans la vie des gens, en général, ils ne s'intéressent pas à l'esprit et ne sont pas disponibles à être à son écoute. Souvent, ils vont plutôt porter leur attention aux choses se rapportant à la réalité matérielle, comme le travail, le sport, les films, la musique, les voyages, etc. Donc, l'esprit pourrait chercher à détourner momentanément l'attention de l'individu de ce qu'il perçoit avec ses cinq sens, se rapportant au plan matériel, pour l'amener à ressentir sa présence et à prendre contact consciemment avec lui et le plan psychique où il se situe, qui est immatériel. Plus l'individu s'avère inconscient et orgueilleux, et plus cela va lui prendre un événement qui crée un choc important auquel il va être confronté pour le remettre en question et pour changer ensuite sa manière de fonctionner. Par exemple, cela peut être à travers un événement qui occasionne une dépression qui l'amène à se désintéresser des choses sur le plan matériel qui l'intéressait jusqu'alors, comme de jouer au hockey et de faire de la chasse. Lors du changement mental suite à ce choc, l'individu peut tourner son attention vers des choses qui ne l'intéressaient pas jusqu'alors, comme la méditation, la spiritualité et la psychologie. Il y a des gens qui sont concernés par la prise de contact avec l'esprit et d'autres qui ne le sont pas du tout. L'esprit ne s'intéresse pas à tout le monde en même temps. Par conséquent, la personne qui vit la prise de contact avec lui doit être sélective pour choisir les gens avec lesquels elle va en parler ou non. D'en discuter à une personne qui n'est pas concernée est une perte de temps parce que cette dernière ne pourra pas comprendre ce que celui concerné vit étant donné qu'elle n'en fait pas l'expérience elle-même. La personne qui n'est pas concernée par cela pourrait penser que l'autre personne l'étant s'avère folle et se mettre à avoir peur d'elle. Donc, cela pourrait être plus nuisible qu'utile d'en parler à tout le monde. Ainsi, la discrétion est de mise. Ce ne sont pas toutes les âmes qui se sont incarnées sur Terre à l'époque actuelle qui doivent vivre le contact avec l'esprit. Certaines d'entre elles vont devoir se réincarner pour le connaître. Si une personne est vouée à vivre ce phénomène, cela va être déterminé avant sa naissance dans son plan de vie qui va prévoir des événements y étant favorables. Donc, si une personne vit la prise de contact avec l'esprit, tant mieux, et si elle ne le vit pas, tant mieux aussi. De la vivre ou non, cela présente des avantages et inconvénients dans les deux cas. L'individu qui la connaît devient marginal par rapport à ceux qui ne la vivent pas, et ceux qui ne la vivent pas ne bénéficient pas de l'intelligence de leur esprit pour les amener à intégrer de manière complètement cohérente leur expérience planétaire. En terminant, cela ne sert à rien d'inciter des gens de son entourage à vivre le contact avec l'esprit, car ils ne peuvent pas le décider de le vivre par eux-mêmes, étant donné que cela sera toujours l'esprit qui sera l'initiateur d'une telle expérience. Par conséquent, la prise de contact avec l'esprit s'effectue toujours sur une base individuelle plutôt que collective. Donc, les institutions sociales comme les établissements scolaires, les hôpitaux, les églises ne seront jamais les initiateurs de cette expérience. Voilà ce qui complète la lecture du texte qui porte sur la prise de contact avec l'esprit.